بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الرابع وثلاثون 34e leçon. 34e leçon. طيب. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسألك عن كلمات من النص الذي بعنوان النظافة ما معنى النظافة؟ نعم وجاء ورد حديث يقول أن النظافة من الإيمان لكن حديث ضعيف الحديث كيت أعطيك لخبطي في بعض الأفواء من الحديث للضعيف لكن المعنى له ما يؤيده مثل حديث الطهور شطر الإيمان مثل الحديث اللي فاب سنسانس شوية في وجه في وجه بيان سور celui qui est مؤمن Il y a des actes qui font qu'ils sont obligés de l'amener être propre. C'est le wudu, ou le ghusl, ou le zalika. Ça a le ma'na fi waj. Tayeb. Istahalla, yastahillu. Comment c'est ? A'aro, yu'iro. أعيرني دبتك أعيرني دبتك ماذا؟ خطي تواب خطي ها؟ خطي تواب متطهر درن ناهيك قرب كنا تعمل تهوى نعم شطر عناء عناء اللي يعتنى بشيء ما معنى عناية ما أحوج خفي خفية مأوى مأوى ناسس أنا أبغي يوجو غزيدون أدعينا أدعينا دعينا أبغين دعينا أفن دعينا هذه تستي نعم النابي مرآة عكس يعكس جسد المرئية نميمة شرور لمو شرور جمع والمفرد شر أنفس بادر يبادر بادر يبادر نعم سلانسي طيب نواصل من التدريب الثاني. يقول ضع عرامة يعني الخط كذا أمام ما يناسب ما تحته خط فيما يأتي. يعني سيأتي بجملة والجملة جزء من الجملة مخطوط، فعليك أن تجد المعنى الذي يناسبه من الجمل الثلاثة التي أمامها. مثلا يقول كان سلمان لا يعير عمله اهتماما. Que Salman ne porte pas d'importance à son travail. ولذلك لم يوفق c'est une خطأ c'est لم يوفق السكون مجزوم باللام لم يوفق في الاستمرار فيه. C'est pour cela qu'il n'a pas été accordé la réussite dans sa continuation. Donc là maintenant tu as deux phrases. Tu mets un trait devant ce qui correspond. يقول لا يؤدي عمله بطريقة جيدة أو لا يحضر العمل أبدا. Donc ce qui ne rend pas son travail d'une bonne manière ou qui ne vient jamais au travail. لا يؤدي العمل بطريقة جيدة. نعم هذا هو. ثانيا إن الله تواب رحيم. فات الله grand accueillir au repentir et qu'il est très miséricordieux. يقول يقبل رجوع عباده عن الذنوب ويغفر ذنوب عباده. يعني qu'il accepte le retour de ses serviteurs de leurs péchés ou qu'il pardonne les péchés de ses serviteurs. يغفر ذنوب عباده. Hein? يغفر ذنوب عباده. تواب المخطوط وتواب أيهما أقرب إلى كل الفراس اللي بفروش وبعدين التواب. الأولى والثانية لا تواب سي يقبل رجوع عباده من عن الذنوب سي grand accueil يعني comme ils le traduisent eux le grand accueilleur au repentir مع انه يغفر ذنوب عباده. نعم كذلك لكن اقرب هو الاولى. ثالثا اساء الصديق الى صديقه ولكنه بادر بالاعتذار اليه. Donc l'ami a offensé son ami, cependant il s'est précipité à s'excuser auprès de lui. فما معنى بادر أسرع أو عاد أسرع. رابعا الصوم من العبادات الخفية التي لا يعلمها إلا الله. Que le jeûne est parmi les adorations, c'est-à-dire secrètes que seul Allah connaît. Donc الخفية معنى الصحيحة أو مستطيرة مستطيرة. خامسا نظافة الملبس تكسب الإنسان احتراما احتراما وجمالا. Que la propreté des vêtements apporte à la personne du respect et de la beauté. الآن الملبس إيش هو الثوب أو القلب الثوب. سادسا اعتني بنقاء قلبك وثوابك من الدرن. Prends soin à la propreté de ton cœur et de tes vêtements des saletés. يعني الدرن ما معنى الوسخ أو التمزق. التمزق c'est le déchirure. وسخ سابعا المؤمن مرآة أخيه. Que le croyant est le miroir de son frère. يعني reflète ce qui est en lui. المرآة ما معنى يطلعه على أحواله أو يدله على عيوبه. يطلعه على أحواله Là, parce que les deux, tu vois, il y a fi awaji. الله أعلم كان الثاني أقرب وقال إن شاء الله ثامنا شطر الصديق ما له شطرين شطر له شطر لصديقه وشطر الصديق ما له شطرين شطر ليك شطر نعم شطر شطر له وشطر لصديقه que l'ami a divisé son argent en deux une moitié pour lui une moitié pour son ami شطر معنى جزء أو نصف نصف نصف نصف نعم موتي موتي طيب الآن الثالث يقول إملاء الفراغات فيما يأتي من المناسب من الكلمات آتية يقوم بلتخوك لمصفا هنا متطهير استهل ناهيك عناء ما أحوج مأوى الضعينة طيب الجملة الأولى الاستغفار ينظف القلب من le nom de pardon purifie le cœur de ou nettoie le cœur de Dorina نعم نعم من الضغينة ثانيا يعني لن يمثل ولا أين في هذا الشوز ثانيا شردت الحروب كثيرا من الناس فلا يجدون لهم يأوون إليه مأوى نعم ثالثا quand on parle trop الناس من الاعتصام بحبل الله que les gens quelque chose avant les gens s'accrocher à l'origine d'Allah ما أحوجا أحسنت رابعا يجد المتمسك بدينه شديدا في هذا العصر que la, celui qui accroche à sa religion trouve على على كيف على voilà ce qui apparaît طيب خامسا ترتكب إسرائيل كثيرا من الجرائم في حق الإنسانية لتخو مما ترتكبه في حق الفلسطينيين que l'État nommé Israël commet beaucoup de crimes dans le droit dans les droits humains enfin t'as le trou نعم et qui plus est dans le droit des Palestiniens. سادسا المرء من تخو من المعاصي والذنوب يخشى الله ويرعي حقوق عباده وعباده que la personne là il y a le trou de ses péchés et de ses désobéissances craint Allah et prend garde aux droits de ses serviteurs. Naam. Celui qui se purifie de ses péchés et de ses désobéissances, il craint Allah. Naam. Sabi'an. Ça commence par le trou. Al-Khatibu hadithahu bihamdillahi wa thanai alayhi. On est le sermonneur. Sa parole parle la louange à Allah, son éloge. Stahalla. Ahsant. Rabi'a. Dha' makan kul kalimat min kalimat allati tahta khat. كلمة أخرى توضح معناها. Donc là, de chaque mot, tu mets une parole, chaque mot souligné, tu mets une parole, un mot, synonyme qui classe son sens. أولا الكلام النابي يسبب الضغينة. دونك النابي شانع. ماذا؟ شانع، كلام شانع. نعم. نعم كلام سيء. La mauvaise parole provoque la haine. Thanien. Safhatul Bahar Kamir A Ta'kisu Daw et Shams. Wayura l'insanu fiha surata. Que la surface de la mer est comme un miroir qui reflète la lumière, la lueur du soleil. Et que la personne peut y voir son image. نعم ترد renvoie. لا حسد إلا في اثنتين العلم النافع والمال الطاهر. Pas de jalousie ou d'envie sinon deux choses, la science profitable et l'argent profitable, ou l'argent en fond propre on va dire. اجتهاد c'est de vouloir quelque chose. وما تشتهي انفسهم كفي القرآن تشتهي يشتهي c'est de vouloir quelque chose, convoiter quelque chose. لابس. رابعا النظافة المرئية هي نظافة الجسم الجسم والثوب. أما النظافة الخفية فهي نظافة القلب والنفس. la propreté ظاهرة ظاهرية ظاهرة نعم. خامسا النميمة مرض اجتماعي خطير. que la calomnie est une maladie commune dangereuse. يعني اجتماعي يعني qui fait du mal à l'ensemble commun des gens. الفريا بمعنى الفريا طب في مثل التحريش كذلك تحريش ايوه طيب. سادسا اللهم اعصمنا من شرور انفسنا واحفظنا من الخطا والمعصيه. هو الله préserve nous du mal de nos âmes et protège nous des erreurs et des péchés ou des obéissances. نعم إما الروح إما سوى الصدور نعم. طيب الخامس أذكر ثلاثة جمل عن فوائد النظافة الجسدية. 23 phrases qui comportent le bienfait, on va dire, de la propreté corporelle. النظافة سبب ثم اجتناب انواع الامراض. نعم هي مثل المرضي وراحة النفوس وبوز الزام. السادس نفس الشيء كلمة عن النظافة القلبية. علاج من الأمراض الفاسدة. أي أمراض؟ الحسد. هذا كل الأمراض النفسية. Ça préserve des maladies, maladies du cœur, on dira. Maladies. سبب العمل الصالح. سبب العمل الصالح. من أسباب الأعمال الصالحة. نعم. فهم parmi les causes de bonnes œuvres. نعم. يعني كوز دابيزمون. السابع يقول اربط عبارة المجموعة ألف بعبارة مجموعة باء مع إضافة ما يلزم من كلمة آتية. Donc il a dit tu fais un trait entre la colonne ألف avec la colonne B en ajoutant ce qui correspond parmi les mots suivants. وقاية il y a des protections. Il y a de l'eau, il y a prouvé ou montré une chose. Al-Jasad, le corps. Tatarrad, je ne sais pas. Parce que Tarada s'est renvoyé à la base. Watusaïd. Allez. القيمة أليف المحافظة على النظافة جميل جسد كيف سمي جسد هذا كوا تلامي هذا كوا تلامي من الباء جسد تسبب الراحة كيف جسد يبقى كم كم Tu dis « Rouhat al-Jasad ». Non. Mais où tu le mets le Jasad, le mot Jasad ? Où tu le mets ? Ah, c'est pas entre les deux. C'est pas un lien. Pas forcément. Je croyais... Le lien que tu payes, va se mettre... Le mot qui correspond va se mettre entre les deux A et entre le A et le B. Non, forcément. Il a pas dit quoi. Il a pas précisé ça. Ah, c'est comme ça que j'ai aimé. Tu l'avais mis où toi le mot Jasad? Hein? Où est-ce que tu l'avais mis? Là où est-ce que c'est dit? Mais je trouvais qu'il y a un problème parce que comme il n'y avait pas de. Il y a les follem. Les follem, ça. Ah, ouais. Donc là. Le mot, tu peux le mettre, normalement, tu peux le mettre où il doit aller, quoi. Ça peut être dans l'une des phrases. En fait, comme j'avais fait par élimination, là, ce coup-là. En fait, c'est quoi? Non. Là, c'est le muhafazati al-nazafa wikayatun min al-amrad. Que la préservation sur la... Le fait de perdurer sur la propreté... Une protection contre les maladies. Là, c'est Wikaya. Aimt? Ouais, non, mais je pense que le mot, comme tu as dit, il va au milieu. Al-Zahir anahu hadha. La kilimata lati tudaf, hiya la rabit bina jumlatayn. Thanyan. الغرفة النظيفة. لا. سألك للنوم الحادي. وش كوال مكتوب على متر؟ تساعد. النوم الحادي. Aide au sommeil reposant. Thalithan. Nazabatu saken min al adran. La propreté de la maison des souillures. Mahou. La. قد أخذنا تطرد الحشرات والجرائم ça renvoie les insectes Et les jaraïm, je ne sais pas ce qu'ils veulent là par là. Les hacharat, les insectes. Maison propre. Maison qui est préservée des souillures ou quoi. Ça renvoie les insectes. Rabihan, el ibtiad, an nabi el qoul. Le fait de s'éloigner des mauvaises paroles. Maada. نظافة اللسان أحسنت خامسا راحة القلب والعقل راسه كلمه راسه كيف فتصه الجسد Cela tout sabib rahat al jasad. Celui-là il va à la fin celui-là. C'est rahat al qalb wa al aql tout sabib rahat al jasad. Donc en fait on revient à mon kolam wa al awal qu'en fait ça peut être passé n'importe où mais bon là c'est quasiment tous liés entre les deux phrases à part celui-là. Dommage qu'il n'ait pas précisé tu vois ça aurait évité qu'on s'embrouille. Mais khair inshallah. التدريب الثامن On avait dit quoi? On avait dit on va faire du hors-piste. D'accord? On va juste prendre répondre aux questions. Mubasharatan. Hal hunaka insanun la yukhti? Est-ce qu'il existe une personne qui ne se trompe pas? La. La. ما هو الدليل في حديث واضح يا هذا أيوة حديث أبي ذر المذكور يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم أو serviteur vous cessez de fauter de jour et de nuit moi je pardonne tous les péchés إلى آخره وإذا كلام من المالك كل واحد يخذ يرد من قوله إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Que toute personne sa parole est à prendre ou délaisser, hormis la parole صلى الله عليه وسلم. ثانيا ماذا تفعل إذا أخطأت؟ Qu'est-ce que tu fais si jamais tu fautes? تتوب وتسلم ما حصل. تتوب وتسلم ما حصل. نعم لكن الخطأ ليس كل خطأ معصية وذنب. ليس كل خطأ ذنب ومعصية تحتاج للتوبة لكن تصلح تصلح أكل شيء تصلح ما فسدته وتعترف بخطئك أما إذا كان ذنبا فتتوب والتوبة لا شروط بحسب المعصية طبعا نعم ثالثا الناس يخطئون فهل أخطاؤهم سبب أن تخطئ que les gens se trompent, donc est-ce que leurs erreurs sont une cause pour que tu te trompes toi aussi? Est-ce que leurs erreurs sont une cause pour que tu tombes dans les fautes toi aussi? La yalzam. Bel la yalzam. Hein? Bel, ma yajouz. Il y en a, c'est ça qu'ils font. Ils aiment bien prendre les erreurs des gens pour justifier les leurs. Du coup, tu fais ça, tu mets un tel, il le fait lui aussi. Tu dis, alors un tel, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui que tu dois obéir, c'est lui que tu dois prendre comme exemple. Un tel il a fait une erreur, tu vas faire l'erreur comme lui. Comme beaucoup font par exemple avec des ulama qui font des fois des shihadat, comme tu le sais. Des fois ils se trompent. Ils disent ouais mais Cheikh Antel il l'a dit. Il dit alors Cheikh Antel il l'a dit. Allah il t'a pas ordonné d'obéir à Cheikh Antel dans toutes choses. Il t'a dit, suive le Dalil. Pas Cheikh Antel parce que c'est Cheikh Antel. Non, donc les erreurs des autres ne sont pas une excuse pour tomber nous-mêmes dans l'erreur. Au contraire. Ad-dinu nasiha. Rabi'an, hal yumkinu an tuhaddithana an khata hadatha minka? La, khalli hada. Khalli hada. demande de raconter une erreur que tu as faite. Laisse celui-là. Khamisan. Bima tasifu al-insan al-lazi la yatahaddathu an akhta al-akhareen. Comment tu décris une personne qui ne parle pas des erreurs des autres? Là. Al-Khamis. Non. Comment tu décris une personne qui ne parle pas des erreurs des autres? Que dis-tu de lui? Ouais, c'est ça, par rapport à... Parce que je vais la décrire par rapport à l'erreur. Si elle ne cale pas quelque chose de mauvais, par exemple, si elle ne cale pas quelque chose de blâmable... Fakoul, asifou bihas khata. Et là on dirait, tu dis quoi? Ça dépend de l'erreur. On ne peut pas parler de l'erreur, on peut parler de la personne. Comment tu la décris? Tu dis, je la décrirai en fonction de l'erreur commise des autres. Parce que là on ne sait pas si tu parles de la personne de l'erreur. Ah. Ta phrase elle n'est pas avoir des ha. Tu dis, asifuhu bihasb ma taqtadi al-haja. Al-hasab al-khata. Non, parce que des khata, et des personnes on se tait, on les dissimule, et des akhta, la boudme et le bayen ou la rad. Là, il faut que tu aies des gens, eux, c'est pour rien dire sur personne. Tu vois, il y a des gens, il faut tout dire. Donc, tu fais des khata pour faire un rad. Tu fais non. Il y a des akhta. Tu vois, man satara mu'minan fi dunya, satara Allah fi dunya wal akhira. Celui qui camoufle le mu'min en ce bas monde, Allah le camouflera en ce bas monde dans l'au-delà. Il y a des erreurs. Pas besoin de les divulguer, ou d'en parler. T'as vu un frère faire une erreur, mais tu vois qu'il se cache et que c'est un truc qui ne le concerne que lui, conseille-le et ne le dévoile pas. Et par contre, t'en as d'autres qui font des erreurs qui amènent à nuire aux autres, et des erreurs qui touchent à la religion, des bidards qui se propagent ou quoi, lui, il faut bayan. Il faut le conseiller. Vous voyez, bihasb al-hal, nasiha peut être bérif, ça c'est l'asl, et elle peut être dure aussi. Elle dépend de la personne que tu en penses de toi. Devant toi, t'es un obstiné, une personne qui se comporte mal, une personne de Saïd Hawa, tu vois, tu utilises le usloub munasib. Naam. Sadisan. Iza mana'ta lisanaka min al-hadith an al-akharin fan ay shay hafasta lisanak. Si jamais tu préserves ta langue de parler sur les autres, de quelle chose as-tu préservé ta langue? Là, on parle du usloub. من أي شيء؟ بكلمة غير مفيد وكثرة الضحك. لا. أنت حفظت لسانك من الغيبة. مكان من الغيبة. طيب يقول اتفقت مع بعض زملائك من بلدتك في العطلة على قيام بنظافة الحي الذي تسكنون فيه، ولكن قبل البدء في العمل جمعتم السكن لشرح فائدة النظافة وأهمية القيام بها من وقت لآخر. Donc toi tu t'es réuni avec tes gens de tes camarades de, on va dire, de ta la belda, ce serait le lieu où tu vis, c'est pas là, c'est pas pays, ce serait peut-être ton quartier ou ta région ou ta ville ou je sais pas, pour pouvoir s'occuper de nettoyer le quartier dans lequel vous habitez. Cependant, avant de commencer le travail, vous êtes réunis dans un lieu pour clarifier les utilités de la propriété et son importance de temps à autre. Donc, Yaqul, Adib an asilatil taliya et tukmila biha al mawdu'. Donc, réponds aux questions suivantes pour compléter le sujet. Awalan, mata bada'tum et tafkir fi hada al amal. Quand vous commencez à réfléchir dans cette œuvre? Je veux dire, فكرنا فيه بعد ما رأينا أن الأوساخ كثرت. Ils ont parlé après que nous ayons vu que les saletés se sont multipliées. مثلا. ثانيا لماذا فكرتم فيه؟ فكرتم لترتيب ترتيب العمل. طيب أظن طبيعي. ثالثا ماذا اعتدتم قبل بدل النظافة؟ كيف تقرأي avant de commencer à nettoyer. Je pense à l'époque où on faisait technique de Medj, pour la TD. Jahiz. Prépare, non. Les ustensiles, on va dire, le nettoyage. كيف قسمتم العمل؟ Comment vous partagez le travail؟ كله على جهة، كله على جانب، ويعود إلى الوسط. تيكم شكان الإكستريميتي. طيب. خامسا، من الذي اشترك معك في العمل؟ Qui a participé avec toi au travail؟ Moi, les gens du pays, tu veux dire. Quand même. Sadisan, ma al-muddatu allati qaddaytumuha fi an-nadhafa. Quel temps avez-vous passé dans cette dans ce nettoyage? Qaddayna. Qaddayna bis-sabah, qaddayna min muddat. Kul as-sabah mathalan. Vous avez pris toute la matinée. Sabian, Ena jama'atum al-awsakh. Où avez-vous rassemblé les saletés? Al-wasat. Al-wasat al-amal. Si? Fi zubala. J'ai mis après. Maza fa'altum biha? Qu'en avez-vous fait? رمينا بها في الكمامة والزبالة وغير ذلك. تاسعا قارن بين الحي قبل النظافة وبعدها. Compare le quartier d'avant et après le nettoyage. الفرق بينهما مثل القمر والشمس. كان الحي قبل هذا وسخا جدا ومليء بالحشرات والسراسل والفئران والكلاب، واليوم ما شاء الله عندنا الفرشة وعندنا الزهرات وكذا ورائحة طيبة، ونستطيع نترك أولادنا يلعبون في الخارج. نعم بخير إن شاء الله. حبقي درس واحد أني غدا جمعة إذن سنكمل إن شاء الله السبت والأحد بإذن الله تعالى. ما كان عندك سؤال؟ طيب فالحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com.